deuxième temps de notre série consacrée aux archives essentielles ou non. Ce matin, les archives des partis, des associations ou des syndicats. Après avoir exploré hier en compagnie d'Anne Mott et de Julien Benedetti l'univers des archives départementales et avant demain de tenter de comprendre les particularités des archives cinématographiques et audiovisuelles, nous nous intéresserons ce matin aux archives d'associations, de partis, d'intellectuels ou encore de syndicats. Quelles en sont les particularités? Qui les conservent? Les archives des collectivités territoriales ou bien de l'État sont-elles intéressées par ce type de fonds? C'est ce que nous verrons avec dans cette émission qui sera co-animée par Séverine Niattard avec nos trois invités. Céline Alazard, elle est archiviste à la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon. Frédéric Genevet, il est historien, responsable des archives et de la mémoire du Parti communiste français. Et Jean-Philippe Legoix, il est archiviste et historien, président de la Cité des mémoires étudiantes. Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, messieurs, la création d'appareils qui enregistrent et reproduisent la voix du maître complète une série d'inventions qui a commencé le jour où l'homme a imaginé de dessiner un premier symbole pour représenter sa pensée. Après l'écriture, après l'imprimerie, il restait encore un progrès essentiel à faire, car ni l'une ni l'autre ne fixe ni ne transmette la parole dans son intégrité absolue. Il suffit qu'une voix s'éteigne pour que nous en soyons séparés par un espace infranchissable. Mais nous sommes au siècle des merveilles. Si le monde a, comme on le dit, des réalités que la science n'atteint pas, en échange, la science donne sans cesse au monde des réalités qu'il n'avait pas. C'en est fait des lieux communs que depuis l'Antiquité on répétait sur la parole ailée ou sur l'homme attaché à la terre. Voici qu'à peu près en même temps, l'homme commence à faire son chemin vers le ciel. La parole se grave dans la matière pour toujours. Cette voix, c'est celle de Ferdinand Bruno, le linguiste de la Sorbonne, qui a été le fondateur des archives de la parole au tout début du XXe siècle. Il était émerveillé par cette invention moderne à l'époque, qui était l'enregistrement phonographique, et il a décidé de lancer des grandes campagnes de collecte de sons, d'enregistrement, dans toute la France, juste avant la Première Guerre mondiale. Et il nous disait quelque chose d'important, la science donne sans cesse au monde des réalités qu'il n'avait pas. Bonjour à vous, Séverine Niattard. Bonjour. Bonjour à vous, Frédéric Genevet. Bonjour. Bonjour à vous, Céline Alazard. Vous m'entendez? Oui, je m'entends. Bonjour. Et bonjour à vous, Jean-Philippe Legoix. Bonjour. C'est vrai que c'est une des particularités que de ce métier des archives que vous pratiquez, Jean-Philippe Legoix, que de voir récupérer comme cela des nouveaux supports en permanence, et la science donne sans cesse au monde des réalités qu'il n'avait pas. On peut rajouter à la fois aux phonographes, ensuite les enregistrements radiophoniques, les enregistrements de la télévision, les enregistrements du cinéma, et maintenant tout ce qui concerne la sphère numérique, Jean-Philippe Legoix. Absolument, c'est un des enjeux de ces temps-ci. Les archives numériques nous touchent tous, que ça soit archives publiques ou archives privées. On a tous des nouveaux supports à conserver, et on peut même aller plus loin. Pour faire un lien avec Ferdinand Bruno, on va même parfois provoquer des archives, c'est-à-dire qu'on va recueillir des témoignages, on va filmer nous-mêmes des congrès, des réunions, des manifestations, parce que il faut aussi créer de nouvelles sources pour la recherche de demain. Mais ça en devient d'ailleurs un peu, gigantesque, gargantuesque de la part de ceux qui organisent des manifestations. Il n'y a pas une manifestation où on ne vous fait plus signer aujourd'hui, lorsque vous êtes sur une scène quelconque, une demande d'archivage, une autorisation d'archivage, d'utilisation, etc. Et on se demande d'ailleurs qui un jour finira par voir peut-être ce type d'archives, parce qu'il faudra les indexer. Ce sont des heures et des heures et des heures d'enregistrement. Jean-Philippe Legoix. C'est effectivement tout l'enjeu professionnel de tout cela. Évidemment, qu'elle soit essentielle ou pas, ça c'est très difficile à discuter, mais il y a de toute façon un tri, il y a de toute façon un travail. Après, c'est comme pour toutes les archives privées qui nous réunissent aujourd'hui, si on ne collecte pas les sources, on ne pourra pas les trier. Donc c'est effectivement un dilemme sur la croissance exponentielle des sources et en même temps la nécessité de veiller à la diversité des sources qu'on conserve. Et chacun dans votre spécificité, alors soit les archives de la jeunesse, les archives des chercheurs, Céline Alazard à la MSH de Dijon ou les archives du PCF, justement ces supports, là on a entendu un enregistrement certes qui date du début du XXe siècle, mais cette nécessité au départ de conserver éventuellement des enregistrements sonores, des photos, des films, des affiches, est-ce qu'elle a été immédiatement considérée justement comme nécessaire ? Ou peu à peu, on s'est rendu compte aussi que les historiens voulaient travailler davantage peut-être sur les représentations à l'aide justement d'affiches, photos, films, ou sur la question du sonore, parce que dans le sonore, il y a le témoignage, mais il n'y a pas que le témoignage. Et on l'entend bien dans des enquêtes, comme celle du début du XXe siècle, ou peut-être l'archive qu'on entendra tout à l'heure, réalisée par Yvonne Verdier dans les années 70. Il y a aussi autre chose à travers le son. Frédéric Genevet. En ce qui concerne le Parti communiste, qui n'est par définition ni une institution de recherche, ni une institution publique, il n'y a pas eu à l'origine une politique d'archivage pour les temps futurs. C'est-à-dire, il y avait une politique d'archivage, mais pour d'autres buts. Et il y avait une politique de documentation pour des fonctions politiques, c'est-à-dire d'éclairage de la prise de décision politique. Il n'y avait pas de politique d'archives au sens où on l'entend, par exemple, pour le travail des futurs des historiens. Ce n'est qu'au moment de l'ouverture de ces archives en 1993 que s'est élaborée une véritable politique d'archivage. Et dans ce contexte-là, on a récupéré des archives sur des supports multiples. Je m'avais une petite anecdote. Les réunions du comité central ont été pendant plusieurs décennies enregistrées sur du fil métallique. Et quand on a décidé d'une politique d'archivage, il a fallu transférer ces enregistrements sur des supports magnétiques, puis ensuite sur supports numériques. Mais on a eu un problème, c'est qu'on n'avait plus de machine pour lire les fils métalliques en question. Donc il a fallu qu'on aille en récupérer une au puce. Oui, c'est ça, exactement. Donc retrouver les médias qui permettront ensuite de transmettre à des générations futures ce témoignage ou ces enregistrements. Sur ce point, Céline Alazard, il faut préciser que ces archives de la parole que l'on vient d'entendre de Ferdinand Bruno ont fini par être déposées dans un fonds public, puisqu'elles sont aujourd'hui à l'origine du département de l'audiovisuel de la BNF, comme le fait remarquer sur Twitter à l'instant même quelqu'un qui y travaille. Donc ces archives de la parole ont gagné, pourrait-on dire, le patrimoine commun. Qu'en est-il de ces archives audiovisuelles que vous pouvez conserver ou sonores que vous pouvez conserver, par exemple, à la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon, dont vous êtes l'archiviste, en l'occurrence, Céline Alazard? Oui, c'est notre objectif aussi à la Maison des Sciences de l'Homme, de déposer in fine les archives que nous traitons ici dans les centres d'archives publics. C'est-à-dire que nous récupérons des archives, des fonds de chercheurs, souvent des fonds qui sont en déshérence, que l'on récupère lors de déménagement ou lors de départ à la retraite. Des fonds de chercheurs, expliquez pour nos auditeurs ce que sont les fonds de chercheurs, parce que c'est extrêmement intéressant. Ce sont des ethnologues, des anthropologues, des historiens, des géographes. Voilà, c'est ça, puisque nous travaillons avec toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Donc oui, voilà, des historiens, des sociologues, des ethnologues. Et nous récupérons ces fonds qui sont des ensembles, vous parliez tout à l'heure de supports, qui sont des ensembles assez hétérogènes, parce que l'on trouve à la fois du papier, des cassettes audio, et puis maintenant, pour les chercheurs plus contemporains, du numérique, des archives numériques natives. Et nous traitons ces fonds, donc où l'on trouve des données primaires, c'est-à-dire tout ce qui est notre carnet de terrain qui correspond en fait à l'ensemble des recherches du chercheur, et puis des papiers plus personnels. Donc ce sont des ensembles assez hétérogènes que nous traitons et que nous souhaitons in fine, comme je le disais, déposer dans des centres d'archives publiques. Et nous sommes chargés ici à la Maison des Sciences de l'Homme du traitement, de la documentation, de la description et de la numérisation de ces fonds qui sont amenés aussi à être mis à disposition de la communauté académique en premier, puis du grand public si les données le permettent. Tout dépend là du... Ouais. du caractère privé ou personnel de, du document. Est-ce à dire que vous êtes une institution intermédiaire entre le chercheur, par exemple, et les fonds publics? Vous êtes, en tant que Maison des Sciences de l'Homme, une institution publique, de toute façon, Céline Alazar à Dijon, mais vous êtes une sorte d'intermédiaire, une sorte de lieu où l'on trie, où on classe, et ensuite, on va ensuite déposer ces archives dans des fonds comme les bibliothèques ou les archives départementales ou les archives nationales, c'est cela, Céline Alazar? Exactement, c'est-à-dire que nous avons des fonds qui sont vraiment privés et pour lesquels le producteur souhaite vraiment faire un don à la Maison des Sciences de l'Homme, donc nous conservons quelques fonds de cette manière, mais nous n'avons pas vocation à conserver, nous travaillons avec 15 laboratoires en sciences humaines et sociales, et puis avec d'autres institutions comme l'INRA, donc nous ne pouvons pas ici conserver l'ensemble de ces fonds. Donc nous sommes effectivement l'intermédiaire, on pourrait dire un maillon de la chaîne, de la chaîne qui va de la collecte jusqu'à la valorisation, mais avec ensuite un dépôt dans les centres publics. En tout cas notre souhait. Voilà. Mais ça dit quelque chose, Céline Alazar, c'est que les chercheurs aussi se sont mis à penser que leurs archives pouvaient susciter un intérêt pour un travail, a posteriori. Je pense notamment à ce fonds sur l'enquête de Minot. Où par exemple Françoise Audamène a pensé que elle aussi c'était peut-être intéressant de garder ses archives et de les déposer dans une institution comme la MSH de Dijon. Tout à fait. Et puis alors nous récupérons comme cela des fonds, je dirais par nous travaillons avec des chercheurs actuellement qui ont connaissance de fonds comme ça qui sont un peu en déshérence. En déshérence, ou un peu menacée. Donc, la collecte s'est faite de cette manière. Et puis, les chercheurs actuels ont effectivement davantage souci de la préservation de leurs archives, avec toujours pour objectif une réutilisation scientifique ultérieure possible. Mmh. Oui, rappelez-nous, Séverine Attard, ce qu'est cette enquête de Minot sur laquelle vous avez réalisé un documentaire il y a quelque temps pour La Fabrique de l'Histoire. Eh ben, c'est les 4 anthropologues qui appartenaient au laboratoire de Lévi-Strauss au LAS dans les années 60, à ce moment où de grandes enquêtes, notamment dans les milieux ruraux, vont être lancées d'une certaine manière dans toute la France. Oui, à Clausewetz, en Aubrac etc. Et là, donc, c'est ces quatre femmes anthropologues. Alors ça aussi, c'était un petit peu exceptionnel parce que c'était 4 femmes et qui sont parties donc dans un village à Minot pendant une dizaine d'années et qui ont fait tout un travail dans le Châtillonnais, tout un travail justement sur la société rurale de cette époque. Un extrait donc de cette enquête. Et c'est Yvonne Verdier qui interroge. Alors les bassines. Ouais. Bon, alors on est où? On était dans la bassine. On l'a vu maintenant. Le bassin. C'est quel genre de bassin? Le bassin pour laver ou... Non, c'était un bassin pour conserver, pour prendre de l'eau, mais c'était spécial. Moi, je n'en ai jamais eu ici. Ça faisait un manche et puis on pouvait le pendre. Oui. Hein. Je ne sais pas ce qu'on avait ici. Ah, mais on en avait, je ne les ai pas eu puisque c'est ma belle-mère. Et il y avait jamais... Non, ça faisait comme une louche, voyez. Oui. Alors c'était plat où on prenait l'eau, c'était plus plat. C'était la même chose, c'était du cuivre la plupart, c'était du cuivre. Oh, mais ça avait de la valeur. Là, j'aurais bien voulu si elle m'en aurait donné au lieu de les vendre avant de mourir. On a tout vendu dans la cour. Elle avait des vieilles lampes à huile, moi je disais tout le temps, tu me les donnes là, sur ton testament. Ben là, pour ce testament, c'est imbécile là. Ils ont été vendus pas trop cher, ces lampes à huile. Ça me faisait envie sur sa cheminée là, avec des lampes à huile en cuivre d'autrefois. Hein. Ah oui. Oui, ben c'était ça un dessin. Ben oui, c'est celui qui bave en buvant ou en mangeant. On dit, ben vous ne vous pas comme ça. Même les enfants, ça, ils mangent des fois mal proprement. Alors on dit, mais est-ce que tu vas bévocher encore longtemps? Ben oui, c'est que ça, parce que ça coule là. Mais... Oui, c'est vrai. Bève au champ, c'est la bavette qu'on met devant pour les petits-enfants. Quand t'as mis ton bève au champ, qu'on dit. Oui, ou alors une serviette de table, c'est un bève au champ, quoi. Parce que ça c'est pour recueillir la bave, hein. Ce qui tombe, c'est un bève au champ, oui. Les enfants, quand ils bavent, quand même des vieux, ils deviennent bévous aussi en vieillissant. Et quand on n'a plus de dents, la salive, tu bèves, quoi, qu'on dit, tu bèves. Est-ce que tu vas bèver encore longtemps? On ne voit plus de gens bévous quand même, dans les vieux étaient bévous, hein. Ah oui. Maintenant, c'est pas pareil. C'était une question de dents, maintenant. Probablement, maintenant, tout le monde a des dents. On a des dents. Oui, Nantes, ça, on n'en a plus, on en fait, mais il y en avait beaucoup. De... Alors, forcément, la salive est tombée. Oh, ben oui, oui. Comme un enfant quand il n'en a encore pas. C'est pas vrai. Quand il a des dents, il bave tout le temps. Avant, ben, ça fait, il bave tout le temps, ça, c'est bien ça. Les bijoux, ben oui, les bijoux, c'est les joues. C'est ce qui pend, c'est ce qui pend là. On va des joues. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire sur France Culture avec Emmanuel Laurentin. Une série de La Fabrique de l'Histoire consacrée aux archives. Et aujourd'hui, dans cette émission du mardi, nous nous intéressons aux archives des associations, des partis politiques ou encore des intellectuels et des syndicats. Frédéric Genevet, vous en avez des archives de ce type-là, c'est-à-dire des collectes qui n'était pas destiné au départ à être utilisé par l'historien, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui peuvent nous intéresser d'une autre manière, parce que là, tout compte fait, c'était fait pour pouvoir faire un carnet de recherche, pourrait-on dire, ces enregistrements pour cette enquête de Minot. Et puis aujourd'hui, elle nous intéresse à la fois par le ton de la voix, la façon dont la personne parle, mais aussi la position de l'intervieweur, la position du chercheur, comment il pratique son interview pour pouvoir faire advenir des nouveautés dans son travail. Oh, il n'y a pas véritablement d'archives de ce type-là. Il y a parfois. Au Parti communiste français. Oui, voilà. Il y a des collectes de témoignages qui sont faits ou, par exemple, de résistants ou, voilà. Mais ça reste quand même très éclaté. Tout à l'heure, je parlais de ces réunions du comité central enregistrées. Elles ont été enregistrées comme, Sténographie. Non, oui, les deux. Oui. C'est-à-dire sonore et procès verbal écrit. C'est comme ça qu'il y a quelques années, la revue Regard avait publié le fameux, non pas le rapport, mais le rapport devant le comité central de Maurice Thorez qui racontait ce qu'il avait compris de ce qu'était la déstalinisation. Donc on a la fameuse réunion où ils rencontrent, où ils débattent du rapport Khrouchtchev en 56, et c'est une réunion très intéressante parce qu'à l'écoute, on se rend compte de l'impact personnel, affectif que la connaissance de ce rapport a sur les dirigeants communistes. Et donc, ils décident dans un premier temps de ne pas en faire cas à l'extérieur. Mais on a les enregistrements et c'est passionnant à écouter. Oui, pour l'historien, c'est tout à fait passionnant. Jean-Philippe Legois, quand on dirige une cité des mémoires étudiantes, j'imagine qu'on a l'intention de faire ce que vous avez dit que vous pouviez faire, c'est-à-dire aller interroger les anciens responsables des grandes centrales syndicales étudiantes. Par exemple, les grandes associations étudiantes, pour pouvoir garder la mémoire de ce qui ont été les grands moments de cette vie étudiante dans les années 50, dans les années 60 ou 70. Absolument. Nous, on a vraiment un programme de collecte d'archives orales. Parce que malheureusement, les archives papier traditionnelles, même audiovisuelles, des mouvements étudiants sont très lacunaires. C'est-à-dire ? Eh bien, en fait, on ne conserve pas quand on est une association étudiante. Même, en gros, on pourra en reparler plus tard, mais il y a un réseau documentaire qui regroupe un peu toutes nos structures, qui s'appelle le CODOS, qui avait édité une série des congrès du mouvement ouvrier. En disant pour tel congrès, c'est à tel endroit, c'est à tel endroit. Nous, pour les congrès du mouvement étudiant ou des mouvements étudiants, on n'est pas sûr d'avoir tous les documents, tous les rapports. Et puis, à partir du moment où... Même de l'UNEF, par exemple, qui la grande centrale étudiante. Bah oui, parce qu'en fait, à partir de la guerre d'Algérie, il y a moins de subventions de l'État, qui n'a pas trop apprécié que l'UNEF se prononce contre la guerre d'Algérie et qui donc a coupé les vivres. Ce qui fait que, alors que dans les années 50, on avait des congrès avec Steno qui nous disait tout ce qui se passait dans le congrès, eh bien, en fait, après, on a des comptes rendus qui sont de plus en plus... Lacunaires. Oui, voire indigents, en restant poli. Donc, on est obligé de combler ces manques. De combler ces manques par une enquête d'archives orales et ça permet aussi de mieux comprendre ce qui ne laisse pas forcément de traces, que ça soit dans un congrès ou dans une mobilisation. Parfois, on négocie des trucs sans laisser forcément des traces écrites. C'est vrai. Parce que dit en tous les cas, l'histoire du GERM, l'histoire de cette cité des archives des mouvements étudiants, Jean-Philippe Legois, c'est que à l'origine, c'est une histoire de militants. aussi qui d'anciens militants de l'UNEF, qui ont des archives, qui les déposent ici ou là, de manière assez éclatée, des étudiants qui commencent à s'intéresser à un sujet, donc ils font remonter aussi ces archives, qui tentent de les rassembler. Enfin, on voit bien comment cet éparpillement, tout le travail voilà, d'une association comme la vôtre, eh ben, en premier lieu aussi, c'est d'essayer de rassembler à la fois les archives et les chercheurs et les militants qui sont susceptibles voilà, d'en faire un espace. Et donc là, c'est là effectivement où se pose la question de la relation de nos centres privés, on va dire, aux services d'archives publiques ou aux bibliothèques publiques, puisque avant que le GERM ne se constitue, puis la Cité des mémoires étudiantes, il y avait quelques archives de l'UNEF qui étaient soit aux archives nationales, soit à la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine à Nanterre. Et donc, les chercheurs étaient obligés d'aller de l'un à l'autre, parfois aller dans un fonds sans connaître l'autre. Et donc, plutôt que de vouloir tout centraliser dans un lieu mythique, sachant qu'en plus, le mouvement étudiant s'est éclaté en plusieurs mouvances, on va dire, eh bien, on a préféré avoir un rôle de centralisation de l'information et justement de complément du travail de recherche du GERM. Avec les bases de données, Jean-Philippe Le Goff, enfin, voilà, tous les outils de l'archivistique moderne, les portails, les inventaires, en XML EAD pour parler jargon. Frédéric Genevet, vous aviez le problème au PPP? Oui, ce que décrit Jean-Philippe Le Goff pour les syndicats et le mouvement étudiant, évidemment, a un aspect accentué du fait de l'engagement bref dans le militantisme étudiant, par définition, mais c'est aussi vrai pour le Parti communiste, c'est-à-dire que la géographie des archives du Parti communiste est très éclatée. Ah bah, il faut connaître qu'effectivement, partis à Moscou, par exemple. Il y a des archives personnelles, il y a les archives, les élus, par exemple, est-ce qu'ils se considèrent comme des élus nationaux, comme des élus locaux, et en fonction, ils vont plutôt orienter leurs archives localement ou vers le niveau national. Et donc, c'est la même chose, c'est la même problématique pour nous. L'important n'est pas de centraliser tout dans un seul lieu, mais de mettre en réseau et de savoir où se trouvent les différents fonds. Et par exemple, il se trouve à la MSH de Dijon, par exemple, Céline Alazard. Non, il a travaillé sur un programme de recherche national, le programme Paprika des F, sur les archives du communisme, des archives de surveillance et de répression qui sont conservées aux archives nationales, et puis des archives internes du mouvement communiste que nous avons numérisées ici à la MSH de Dijon et que nous avons mis en ligne sur notre portail de publication, ce qui permet effectivement un accès unifié à différents types de fonds. Et des recherches croisées dans différentes sources. Quel est puisque vous êtes archiviste de formation, Céline Alazard, quel est le type ou la particularité de ce type de travail que vous faites à la Maison des sciences de l'homme de Dijon? Parce qu'il faut, comme un archiviste ou une archiviste dans une institution telle que les archives départementales dont on parlait hier ou les archives nationales, il faut repérer des fonds qui seraient susceptibles peut-être de rentrer chez vous, convaincre des futurs donateurs de vous donner leurs archives, de vous donner le plus largement possible accès à ces archives pour que vous puissiez les classer et les trier, mais également donner de la cohérence à un ensemble qui n'en a peut-être pas, en l'occurrence Céline Alazard. Ce fonds qui vient de Moscou, de l'international communiste, vous l'avez parce que vous avez des chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là depuis longtemps à Dijon. Les fonds de collecte de Gaston Groupnel ou de chercheurs comme cela, vous les avez parce qu'ils ont des rapports avec la ville de Dijon ou la région de Bourgogne. Et il faut donner de la cohérence à tout ça, non? Oui, bien sûr. Je dirais qu'en fait, c'est la spécificité un peu de notre d'un centre de recherche comme la MSH de Dijon, puisque en fait tout ce travail sur les archives, que ce soit les archives pour la recherche à partir de fonds déjà constitués ou les archives de la recherche, se fait dans le cadre de programmes portés ou soutenus par la MSH de Dijon. C'est-à-dire que nous sommes toujours en lien avec les thématiques scientifiques qui sont portées et par l'institution. C'est ce qui conditionne un peu la collecte, les fonds qui sont collectés et traités ici. Et puis, je dirais que la spécificité aussi se fait par le travail, la collaboration étroite qu'il y a entre archivistes et chercheurs. C'est-à-dire que pour que ce soit la prise en charge, la collecte d'un fonds, le traitement, la valorisation, nous essayons ici à la NSH de travailler vraiment de manière très forte entre archivistes, personnel de la documentation et les chercheurs. Jean-Philippe Legois. Alors, je dirais même que ça va encore plus loin que donner de la cohérence. Je dirais que c'est presque donner droit de cité à ces archives, à ces mémoires, à ces histoires qui peuvent être aussi des histoires personnelles. Je me souviens, on a un petit parcours ensemble, Jean-Philippe Legois. Vous étiez parmi les premiers à venir à la Fabrique de l'Histoire il y a déjà pas mal d'années. Et vous étiez à l'époque en train de chercher un endroit pour pouvoir accueillir, conserver. Et vous étiez une sorte de bibliothèque errante, pourrait-on dire, avec vos archives que vous aviez collectées, vos témoignages que vous aviez collectés. Vous ne saviez pas très bien absolument, où les poser, en l'occurrence. On était comme le roi de France pendant la bataille de Frédéval, on bougeait avec nos archives et on n'avait pas encore de site. Elles sont où maintenant ? Et ben justement, c'est là où il y a toute une discussion, voire une négociation avec l'État, en l'occurrence les archives nationales, avec les archives départementales, les archives municipales au niveau des territoires, parce que c'est pareil pour le Parti communiste. On essaye aussi de veiller à la mémoire des antennes locales de nos différents mouvements. C'est toute une problématique aussi. Mais bref, c'est vrai que la négociation, c'est surtout de pouvoir donner droit de cité à ces mémoires particulières en faisant en sorte que nous, on apporte notre expertise, notre connaissance du domaine pour classer les fonds. Mmh. Et faire que ça soit pas à travers des lunettes d'archives publiques qu'on classe ces archives de mouvement, parce que c'est pas la même qualité. Qu'est-ce que ça veut dire pas les classer à travers les lunettes d'archives publiques? C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y aurait deux types de conservation des archives, deux façons de voir. Non, vous êtes archiviste vous-même et vous êtes historien. Absolument, donc... oui. Donc on reste dans la théorie fondatrice des archives, en tout cas en France, mais ça a eu un rayonnement international à un moment. C'est ce qu'on appelle le principe de respect des fonds. C'est-à-dire qu'on est toujours face à un producteur d'archives qui a collecté un certain nombre d'archives, qui a produit lui-même des archives, qui a reçu des correspondances avec son point de vue. Oui, parce qu'il y a d'autres écoles qui dispersent, et en particulier l'école soviétique à une époque, qui disperse les fonds, qui les reclasse de façon différente en fonction de l'intérêt que l'on peut avoir vis-à-vis de ces archives. L'idée, c'est de garder tel qu'il a été fourni, d'une certaine façon, un fonds ensemble pour ne pas disperser les morceaux ensuite. Ça va même plus loin. C'est-à-dire que le principe de respect des fonds, c'est aussi parfois restituer le point de vue du producteur. Original. Notamment pour nous, pour des archives étudiantes, mais ça peut être pour des archives familiales. Il y a une nouvelle association, Microarchives, qui s'intéresse à ces associations-là. Ça peut être des archives politiques, comme au PC, comme à la Fondation Jean Jaurès, etc. À chaque fois, on peut avoir des vracs. Et il faut arriver à reconstituer la logique de production de ces documents pour pouvoir faire un plan de classement qui soit cohérent. Frédéric Genet. Oui, alors nous, c'est un cas très très particulier parce que d'une part, les archives du Parti communiste français, parce que d'une part, c'est je crois le seul fonds d'archives politiques qui a été classé par l'État. Classé, ça veut dire reconnu comme patrimoine national. Il est ces temps-ci donc dans le département de la Seine-Saint-Denis. À la suite de ce classement, nous avons déposé nos archives qui remontent au 19e siècle jusqu'à 1994. Enfin, pour cette période-là, nous les avons déposées dans une structure publique qui sont les archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Et donc, je dis déposées parce que nous restons propriétaires des archives en question. Et nous avons, en quelque sorte, une co-gestion, ou en tout cas une co-responsabilité organisée entre les archives départementales et le Parti communiste français. Nous réunissons régulièrement ce qu'on appelle un comité de pilotage pour faire le point sur les dépôts, sur la valorisation et sur les priorités de classement et d'archivage. Donc c'est très particulier parce que c'est à la fois un parti politique, une structure privée qui co-gère des archives avec une structure publique et ça se passe très très bien. Et justement, cette co-gestion, elle était nécessaire pourquoi, Frédéric Genevé? Parce que c'était une masse énorme, parce que c'était patrimoine, considéré comme patrimoine, parce que c'était d'ordre financier aussi, parce que ça coûte extrêmement cher de valoriser un fonds. Parce que quand nous avons décidé de mener une politique d'archivage, nous n'avons pas décidé de nous débarrasser de nos archives et de tracer une croix sur notre histoire. Donc à partir de là, nous voulons continuer à les utiliser, à les valoriser, à les ouvrir. C'est-à-dire que c'est pas une volonté de contrôle, puisque vous avez travaillé sur la question du secret, en l'occurrence, des archives du Parti communiste et donc la façon dont elles ont été gardées pour des raisons politiques, vous disiez-vous tout à l'heure. Là, c'est pas une volonté de contrôle. C'est une volonté de gestion commune, sachant qu'effectivement, le raisonnement d'un parti politique n'est pas le même que le raisonnement d'une structure publique, chacun ayant des contraintes à gérer. Et donc, c'est pour ça qu'on se réunit régulièrement pour faire des choix d'archivage. Valorisation du fonds, disiez-vous, il y a donc DVD qui vient de sortir, justement, sous votre égide, avec le CNC, la mairie de Paris, l'Institut d'histoire sociale, Fondation Gabriel Péri, l'Humanité, Mediapart, qui s'appelle Grand Soir et Beau Lendemain. C'est le cinéma militant de la libération et de la guerre froide. Et donc, ce cinéma militant, c'est le cinéma du Parti communiste. Oui, alors pour être très précis, c'est pour ça que la géographie est très complexe, parce que nos archives audiovisuelles sont gérées par une association qui s'appelle Cinéarchive, dont le dépôt aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis a d'ailleurs précédé le dépôt des archives papier. Ouais, voilà. Régulièrement, cette association publie des DVD très intéressants. Oui, on se souvient effectivement que le Parti communiste était grand producteur de films à la grande période, c'est-à-dire dans les années 50, par exemple, Les Américains à Paris, une réalisation de Raymond Vogel. L'Empire nazi vient de s'écrouler. L'Europe n'est plus qu'un vaste champ de ruines. L'Angleterre a subi pour 12 milliards de dollars de destruction. La France, 26 milliards. L'Union soviétique, 120 milliards. De l'autre côté de l'Atlantique, à l'abri des bombardements, les trusts les plus puissants du monde viennent encore d'étendre leur pouvoir. La guerre leur a rapporté 75 milliards de dollars et leur capacité de production a doublé depuis 1939. Le voilà le paradis américain. Les hommes des trusts, inquiets, se tournent vers l'Europe pour écouler leurs produits et assurer leurs profits. Accord Blumberns par-ci, plan Marshall par-là. Français, grâce à l'Amérique, vous aurez du beurre. La France possède de vastes usines d'aviation. Fabriquer des avions, les Américains nous en vendent. Les ouvriers ne sont pas d'accord. Ils défendent nos usines. Les Yankees savent utiliser l'énergie atomique. Pour nous préparer à recevoir les bombes qu'ils fabriquent, ils veulent nous habituer à la brutalité, au crime, à la mort. Ils veulent corrompre même nos gosses. Leurs journaux pour enfants exaltent le gangstérisme, le racisme. Voilà la civilisation américaine. La civilisation de revolver. Voilà un extrait du documentaire de 28 minutes qui s'intitulait Les Américains en Amérique, réalisé par Raymond Vogel, restauré par le CNC et que l'on trouve dans le coffret donc de DVD qui s'intitule Grand Soir et Beau Lendemain 1945-1956, le cinéma militant de la libération et de la guerre froide. Et on comprendra qu'on est en pleine guerre froide quand on critique les Américains, non seulement pour les accords Blumberns, mais aussi pour la loi sur 1949, les publications destinées à la jeunesse. On sait combien le Parti communiste a été acteur de cette loi qui, d'une certaine façon, voulait que les jeunes Français ne profitassent pas des grands héros américains de la bande dessinée. C'était la grande période des années 1949-1950. Jean-Philippe Legoy, vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Oui, parce que Frédéric Genevet a tout à fait raison de parler de cet enjeu de don ou dépôt des archives, de parler de cette cogestion possible avec l'institution publique, qu'elle soit d'État ou territoriale. Parce qu'en fait, l'enjeu, quand je parlais tout à l'heure de lunettes publique, c'est de savoir si l'institution publique reconnaît un droit de cité aux archives privées, aux mémoires privées, à leur identité spécifique, que ça soit l'immigration, que ça soit les associations de jeunesse. Elle reconnaît forcément quand quelqu'un, un citoyen comme moi, veut déposer les archives de sa famille aux archives départementales ou municipales, il n'a pas trop de problèmes normalement. Ben, c'est là où on revient sur le débat des archives essentielles ou pas. C'est-à-dire que si on est dans une période d'austérité budgétaire et qu'il n'y a plus de place, on va être obligé de choisir. Donc on va être aussi obligé de choisir. C'est-à-dire que ma famille est peut-être moins intéressante que la vôtre et on choisira la mienne, la vôtre. Peut-être que ça sera les archives d'un châtelain plutôt que les archives d'un syndicat ouvrier, ou que ça sera peut-être les archives d'un grand chercheur par rapport à un petit chercheur, ou les archives d'une grande famille par rapport à une petite famille. Donc c'est cet enjeu-là, et ça rejoint la notion de droit culturel qui dans la loi NOTRe en 2014 disait que les collectivités territoriales, mais aussi l'État, par le biais de ce respect des droits culturels, doit promouvoir justement la diversité de la société civile. Mmh. Et ça, c'est tout l'enjeu par rapport aux archives du féminisme, par rapport à nos types d'archives, aux archives sociales, syndicales, politiques. Céline Alazard, sur ces questions. Oui, je dirais que c'est concernant les archives de chercheurs et de la recherche. Les fonds sont assez spécifiques de par leur nature, c'est-à-dire que on a des fonds qui sont considérés par certains comme étant des fonds publics, puisque produits dans le cadre de programmes de recherche financés par l'État, par l'État, voilà, donc qui sont donc amenés à être versés de fait dans les centres d'archives publiques, et concernant l'université, ce sont les archives départementales. Et puis ces mêmes archives sont considérées à part d'autres comme privées, puisqu'elles sont produites en fait de l'activité intellectuelle d'un chercheur. Donc on a comme ça des fonds qui sont reçus en don à la NSA, c'est-à-dire qu'un chercheur, après son départ à la retraite, voilà, part de son laboratoire avec ses cartons d'archives sous le bras, et puis quelques années après décide de les donner à une institution comme la nôtre. Et puis on a, en tout cas pour les recherches, les programmes plus actuels, qui sont où on produit des archives actuellement, on essaie nous de mettre en avant ce côté public quand même de ces données. Et c'est en cela que notre souhait est à terme de les verser dans les centres d'archives départementales. Ouais, il y a quand même encore une ambiguïté sur la nature de ces fonds. Oui, par exemple, on peut imaginer que chez un même chercheur, les travaux de préparation d'un livre qu'il a pu réaliser pour une commande privée, d'un éditeur privé, qui ne correspondent pas directement à son programme de recherche, puissent être considérés comme des archives privées, des brouillons d'un travail privé, tandis que ce qui est dans le cadre de sa recherche payée par l'État, ça peut être considéré comme une archive publique. C'est cela ce que vous suggérez, Céline Alazard, ou pas du tout ? Tout à fait, tout à fait. Et puis il y a la question donc des chercheurs et des enseignants chercheurs, où là on trouve encore dans les fonds tous les documents relatifs à leurs activités d'enseignement, et qui là sont clairement définis comme des archives publiques. Mmh. Voilà, mais on a cette ambiguïté parfois de statut quant à ces fonds de chercheurs, où on trouve à la fois des données effectivement plus privées, voire personnelles, et puis des documents et des données clairement publiques. Sur ce point, je voulais dire deux choses. D'une part, les fonds privés ne sont pas toujours, parce qu'on peut avoir ce sentiment-là, ne sont pas toujours des poids pour les archives départementales et pour les structures publiques. Je vois, moi, qu'aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis, le fonds du Parti communiste est le fonds le plus demandé par le plus consulté par les lecteurs. Ce qui permet à la structure de justifier aussi son existence et de vivre. Et sur la distinction archives publiques, archives privées, bon, il y a des choses très claires. Par exemple, les ministres communistes, à la fin de leur mandat, de leur ministère, ont déposé leurs archives aux archives nationales dans le cadre ministériel. Après, il peut y avoir des choses beaucoup plus compliquées. Moi, je pense que il faut pas se crisper là-dessus. C'est toujours la même question. L'essentiel, c'est que l'on sache où sont les choses. Après, la distinction publique privée n'est pas toujours adéquate, surtout si on veut respecter respecter l'unité des fonds, comme le rappelait Jean-Philippe Le Goy tout à l'heure. Jean-Philippe Le Goy, justement. Oui, oui, c'est très important cette question, parce que c'est vrai que, je reprends exactement le terme de Frédéric, hein, faut vraiment pas se crisper sur cette question de archives publiques, archives privées. On est en France un des pays où les services d'archives sont très jeunes dans les universités, et donc nous, on a aussi la problématique par rapport aux enseignants-chercheurs, mais là, pour les mouvements étudiants locaux, est-ce que ce sont des archives qui intéressent les archives des universités, puisqu'on peut considérer que le mouvement étudiant de Clermont-Ferrand, par exemple, intéresse l'université de Clermont-Ferrand. Mais le problème, c'est que ces services sont tellement jeunes qu'ils ont déjà tellement de travail par rapport aux archives administratives que très souvent, en fait, ils n'ont même pas le temps de répondre à nos sollicitations. Donc, on est de toute façon obligé de trouver d'autres solutions. Et effectivement, alors, quelles sont ces autres solutions, justement, Jean-Philippe Le Goy? Parce que vous vous représentez tout à l'heure comme le roi à la bataille de Frédéval avec ses archives qui se fait voler par le souverain adverse. Donc, c'est quoi les autres solutions? Continuons sur l'exemple de Clermont-Ferrand, par exemple. Hein. Ça fait une dizaine d'années qu'on a les archives de l'Association Générale des étudiants de Clermont-Ferrand qui sont dans une cave d'un chercheur membre du GERM, vice-président de la cité. Et du coup, on est toujours en train de rechercher, que ça soit avec l'université, que ça soit avec le département, que ça soit avec la ville et maintenant la communauté d'agglomération, la meilleure solution pour faire que ces archives soient enfin classées et soient valorisées et soient accessibles. Oui, parce qu'un jour, effectivement, ces archives pourraient partir à la benne, par exemple. Ah ben, c'est sûr, un dégât des eaux dans la cave est toujours envisageable. Pour vous prendre un autre exemple, on a un ancien responsable de mouvement étudiant des années 60 qui avait a priori le seul des archives d'une commission internationale de l'UNEF dans les années 60. C'était dans sa résidence à Bordeaux et ça a été attaqué par les termites. On est arrivé trop tard. Donc, D'où la nécessité d'avoir ce statut qu'ont par exemple les archives du PC, du coup, oui, reconnues comme patrimoine national. C'est les archives de la direction nationale qui sont reconnues comme patrimoine national, mais nous cherchons pas à tout centraliser à Bobigny aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Donc nous incitons par exemple nos fédérations et nos sections à prendre soin de leurs archives. Certaines décident de les conserver dans leurs propres locaux. Et d'autres sollicitent le réseau des archives publiques départementales ou municipales, qui d'ailleurs nous font en général très bon accueil. Et progressivement, les fédérations du PCF déposent leurs archives dans les archives départementales qui correspondent à leur implantation géographique. Céline, ce que vient de dire à l'instant Frédéric Genevet est intéressant. C'est-à-dire, quelle est la part de la, disons, de la conviction de quelqu'un de déposer ses archives chez vous à la MSH de Dijon, à la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon, et la part de votre initiative propre d'aller chercher ces mêmes archives là où vous pensez qu'elles se trouvent? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une sorte de cercle vertueux à partir d'un certain moment, à partir d'une certaine compétence de la part de votre travail d'archiviste à la Maison des Sciences de l'Homme? Eh bien, des gens pensent naturellement à vous déposer un fonds alors qu'auparavant ils ne le pensaient pas. Tout à fait. Je dirais que ici, en termes d'archives de la recherche, les premiers fonds que nous avons récupérés avaient lieu lors d'opérations sauvetage, je dirais. On parlait tout à l'heure de Ben, c'est ça en fait. Souvent, on nous indiquait comme ça qu'un fonds était menacé, prêt à être détruit, et on récupérait comme cela. Donc, maintenant que notre travail est un peu plus visible, puisqu'on a ici donc à la MSA de Dijon toute une plateforme technologique archives, documentation, numérisation, qui nous permet de traiter, d'assurer toute la chaîne de traitement des fonds depuis la collecte, la collecte, la description jusqu'à la valorisation. Je dirais que maintenant notre travail est un peu plus connu et on a comme ça des sollicitations de chercheurs qui souhaitent déposer leurs fonds ici. Donc je dirais que la part de collecte spontanée comme ça est très importante. Et vous les acceptez toujours? Je vous pose la même question que posait tout à l'heure Jean-Philippe Le Goy. Tous ces chercheurs qui souhaitent déposer, par exemple, chez vous, les acceptez toutes les propositions de dépôt? Non, malheureusement non, parce que nous n'avons pas les moyens humains et d'assurer tout ce travail. La condition est une fois de plus que le, je dirais la, le contenu du fonds intègre l'une des thématiques qui est portée par la MSH de Dijon. Et puis voilà, et puis le travail se fait souvent par le biais de relations interpersonnelles entre chercheurs, c'est-à-dire que nous avons des chercheurs qui sont associés à la MSH, qui nous signalent, voilà, j'ai un collègue dans tel tel laboratoire qui est un petit peu laissé comme ça de l'autre côté, il ne sait pas quoi faire de ses archives, on pourrait les récupérer, ça rentre dans le cadre de nos thématiques, et voilà, je dirais que la collecte se fait beaucoup de cette manière. Mais il faut rappeler aussi que les Archives nationales développent depuis pas mal d'années aussi des sortes de travaux en direction des archives privées pour pouvoir faire rentrer ces archives privées depuis quelques temps dans les fonds publics aussi, Frédéric Genevet. Oui, oui, moi je suis d'accord avec l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, celle de cercle vertueux, c'est-à-dire que, par exemple, au Parti communiste, c'est pas par une circulaire venue d'en haut que les militants vont prendre soin de leurs archives et les déposer. C'est tout un travail de sensibilisation, d'exemplarité, par exemple en valorisant les archives, en faisant des expositions à partir de ces archives, elles deviennent utiles, et maintenant on a de plus en plus effectivement de demandes de dépôt spontanées de militants ou d'anciens dirigeants du Parti communiste. Et puis un autre aspect que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a des archives dont on voudrait qu'on voudrait retrouver. Par exemple, les archives qui ont été... Tout à l'heure, vous avez diffusé un film des années 50 de la période de guerre froide. Ouais. Bah, à la même époque, le Parti communiste s'est vu saisir des plusieurs camions d'archives. Nous avions demandé à la présidence de la République au début des années 2000 de mener une enquête sur ces archives. Jacques Chirac avait installé une commission de recherche pour ces archives saisies. On n'a pas retrouvé grand-chose, mais surtout, on a eu une fin de non-recevoir à l'époque de la DST qui s'est permis de ne pas répondre au président de la République sur la possibilité qu'il y ait des archives communistes. Et vous avez refait la demande depuis ou non pas ? Parce qu'on est face à un mur. Est-ce que ça veut dire que c'est des archives aussi qui ont pu être détruites ? Oui, bien sûr. Il y a eu des archives qui sont passées. Ça, vous en avez la preuve. Qui sont passées au pilon. On a des archives, on a quelques traces d'archives qui sont passées au pilon. Et puis des archives aussi qui sont passées de la police vers des structures privées, comme par exemple le fameux cahier de Jacques Duclos des années 50, le complot. Qui se retrouve à la bibliothèque Souvarine. Exactement. Bon, donc on ne va pas embêter la bibliothèque Souvarine en disant redonnez-nous le cahier. Pour nous, l'important, c'est de savoir où sont les choses. Où sont les archives. Et qu'elles soient accessibles. Voilà. Et il ne faudrait pas faire croire, Jean-Philippe Le Goy, que les archives publiques ne font rien, justement, vis-à-vis de ces fonds. Oui, parce que vous sembliez dire tout à l'heure, on a des richesses, on n'arrive pas à les déposer. Parce que ce que nous explique justement Frédéric Genevet, c'est qu'on peut trouver des moyens de collaboration, de travail sûr, en commun, bien sûr, etc. Et même les archives publiques peuvent aussi avoir un rôle actif dans la collecte. Simplement, il y a une connaissance de certains secteurs, de certains réseaux militants, de certains réseaux interpersonnels, pour reprendre le terme de Céline. C'est clair que les archives publiques peuvent faire ce travail-là, mais a priori, ils peuvent aussi être aidés par des structures privées qui ont cette connaissance-là et qui peuvent justement s'inscrire dans une valorisation partagée, dans une action concertée. Et juste une dernière chose, effectivement, quand on parle d'action pour ces collectes d'archives, nous aussi, on aimerait bien retrouver les archives, notamment d'une... UNEF, celle qui s'appelait l'UNEF après la scission de 71, qui du coup n'a pas conservé ses archives au moment où elle s'est réunifiée avec l'UNEFID. Donc s'il y a des anciens... Voilà, donc Frédéric Genevet a déposé à la cité ses archives de militants, mais s'il y a d'autres anciens de l'UNEF qui ont des archives, qui n'hésitent pas à nous contacter. Et donc vous avez raison, et alors ils vous contactent comment? Allez-y, parce que... info@citedesmemoiresetudiantes.org et puis ils retrouveront tout sur la page de la Fabrique de l'Histoire. C'est ça. Et il faut bien dire par ailleurs que ce travail en commun qui peut être mené, on a tout de même noté depuis, mettons, 10 ou 15 ans, et en particulier à cause de la cité de Pierrefitte et du mouvement qui a été lancé pour la création de cette cité, donc des archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, une plus grande collaboration, pourrait-on dire, entre acteurs de la société civile et archives de l'État, Jean-Philippe Lebois. C'est vrai que quand Agnès Mannien a lancé l'ouverture de ce nouveau site avec un très beau slogan aux archives citoyens, c'est clair que pour nous, c'était logique d'avoir une convention de partenariat avec les archives nationales dans cette idée-là. Parce que, justement, l'idée, c'est que l'État ou les pouvoirs publics n'est pas un regard condescendant par rapport à la société civile, mais est bien compris qu'il y a intérêt à avoir une action commune. Vous définiriez comment votre travail en commun avec les archives départementales de Bobigny, Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est quoi? C'est coproducteur, co-animateur, enfin c'est co-quelque chose en tous les cas. Oui, c'est co-animateur. En même temps, nous respectons totalement la spécificité professionnelle, parce que c'est une structure professionnelle avec des archivistes professionnels, avec des moyens d'archivistes. Donc nous respectons totalement leur logique de fonctionnement, et notre travail est un travail fructueux, globalement positif. Mais ça, c'est bien d'utiliser ce beau terme utilisé dans le temps pour les plus jeunes par Georges Marchais à propos du bilan de l'URSS. Un dernier mot, on pourrait se passer des archives, ces mouvements pourraient se passer des archives publiques telles qu'elles fonctionnent, ou est-ce que c'est inimaginable au bout du compte de tenir sans le support, l'aide, l'entraide, pourrait-on dire, des archives publiques? Non, je ne crois pas qu'on puisse s'en passer, et puis en plus ça correspond à quelque chose. Pour nous de fond, c'est que nous croyons au service public. Ah oui, ça, voilà. On l'imagine bien. Et en plus, dans la fameuse contribution du ministère de la Culture par rapport à ce plan CAP 2022, c'est bien marqué qu'un des objectifs de la politique des archives, c'est aussi de valoriser les archives privées qui ont un intérêt public. Merci à vous. Merci Céline Alazard qui était au téléphone depuis Dijon, où vous travaillez en tant qu'archiviste à la Maison des Sciences de l'Homme. Merci à vous Frédéric Genevet. Vous êtes responsable des archives du Parti communiste français, et à vous Jean-Philippe Lebois, donc vous êtes président de la Cité des mémoires étudiantes. Demain, nous continuerons notre travail autour de cette question des archives en nous intéressant à des archives bien spécifiques, celles du cinéma ou encore de l'audiovisuel. Comment les conserve-t-on? Comment les valorise-t-on? C'est ce que nous verrons dans notre émission de demain. Cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati, avec nous à la technique aujourd'hui de Farguiride, au droit d'auteur Elisabeth Gornescotto, et à la réalisation Séverine Cassard.